votre actualité, Flo. Alors l'actualité, c'est la sortie du single qui a été signé dans un label il y a peu de temps, donc qui s'appelle Moi je dis. Et puis des projets futurs qui arrivent, un nouveau single qui devrait arriver très bientôt. Alors on vous voit avec votre guitare, vous allez nous faire le plaisir de nous interpréter quelques titres en live dans les studios. Vous nous proposez quel titre, Flo ? Alors un titre extrait du single qui est sorti il y a 2 ans, donc il s'appelle Moi je dis. Moi je dis, Flo. S'applaudissent, hein. Ah oui. Quand même, hein, oui. Merci, c'était du vrai direct. Alors déjà, merci doublement pour ça et pour ce titre très d'actualité. Oui. C'est justement votre volonté, Flo, dans vos titres. Voilà, des textes assez engagés, qui reflètent un petit peu l'actualité maintenant. Voilà, c'est ça. Très bien. Né d'un papa artiste, lui également musicien, c'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier. Oui, je veux dire que il m'a donné le goût et l'envie de faire de la musique, oui. À quel âge avez-vous commencé la guitare? J'ai commencé à 10 ans à prendre des cours de guitare, en fait. Et puis petit à petit après, j'ai commencé un petit peu à découvrir ma voix, mais beaucoup plus tard, vers 18 ans. Et là, j'ai eu mon premier groupe de rock. Et ensuite, on a fait 3-4 ans, on a enregistré un single avec mon groupe. Mm-hmm. Et ensuite, c'est là que j'ai commencé. Insoluble. Insoluble. Et c'est là que j'ai démarré un petit peu ma carrière solo, on va dire. Et à chercher ma voix petit à petit, s'entraîner dans sa chambre, enregistrer ses petites maquettes. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu petit à petit, en fait. Donc depuis 2004, vous écrivez en collaboration pour les textes avec votre papa. Avec mon papa, oui. Et pour la musique, vous? La musique, c'est moi, oui. Tout seul? Tout seul, oui. Des dates qui se profilent? Alors là, les dates de concert, actuellement, non, pas trop. Voilà. Donc par contre, là, je voulais juste faire un petit aparté par rapport au prochain single qui va sortir, normalement, en courant juin, on espère. Voilà, on fait une aide participative sur le site du label ADR90 Productions pour tous les internautes qui voudraient contribuer à la production de ce single. Donc voilà, même un petit euro symbolique, ça peut aider pour réaliser ce single. Donc voilà, n'hésitez pas, vous allez sur le site ADR90Productions.com. Voilà. Ça, on le redira à la fin de l'émission. Voilà. Où peut-on découvrir vos titres sur Internet, justement? Alors, vous pouvez les trouver sur toutes les plateformes de téléchargement possibles, Amazon, iTunes, Deezer, tout ça, vous pourrez le trouver, vous pourrez l'acheter. On tape Flo. Flo, moi je dis. Flo, moi je dis. Voilà. Ça, c'est votre dernier titre. Oui. Et le mieux, c'est sur Arc-en-Ciel, hein, on les a en direct, hein, il faut nous écouter. Ah voilà, c'est ça. Oui, il y a une suite après, il faut les... Oui, on peut aussi commander le single physique aussi sur le site d'ADR 90 Productions. Des titres en écriture en ce moment? Alors, en écriture, j'ai un album déjà de composé, d'écrit. Donc là, c'est surtout à trouver les financements un petit peu pour faire réaliser cet album. D'accord. Parce que c'est essentiellement d'autoproduction. Donc voilà, on essaye de trouver des fonds pour pouvoir réaliser cet album et les clips. Encore un clip qui devrait arriver normalement d'ici quelques mois. Le jeune artiste que vous êtes, qu'est-ce qui l'inspire par rapport à l'actualité justement? C'est sa colère qu'il a envie d'exprimer? Oui, l'actualité, voilà, c'est ça. Je pense que c'est important aussi de faire passer des messages à travers de la musique. Mm-hmm. Donc j'essaye de donner un petit peu ce qui me paraît injuste. Voilà, je pouvoir le transcrire en musique, voilà, c'est ça. L'artiste est toujours témoin de son temps, oui, n'est-ce pas, Patrick? Absolument. Et donc les jeunes artistes sont là aussi pour s'exprimer par la musique, et vous le faites très bien, Flo, et merci encore d'interpréter comme ça les titres en direct, c'est très difficile. C'est moi qui vous remercie. On va écouter un petit morceau de Flo, parce qu'il est venu interpréter un petit morceau en live, et moi je te propose un morceau de son album. Oui, lequel? Arrêtez. Alors Arrêtez, qu'est-ce que c'est Arrêtez? Alors Arrêtez, c'est plus une balade. Oui. Donc on est sur un titre pareil, assez engagé, beaucoup plus calme. Donc il y a le clip qui est sorti aussi il y a 2 ans, donc on a fait un clip. Alors pour ceux qui souhaitent aller voir, c'est sur YouTube, vous tapez Flo Arrêté et donc vous pourrez voir le clip. D'accord. Et donc ça, le clip représente exactement le... Oui, on a essayé de représenter un petit peu ce que représentait le titre. Donc on a essayé de faire vraiment représenter au mieux le clip avec le titre. Ça a été tourné par chez toi? Oui, par chez moi sur Alençon avec un réalisateur d'Alençon qui s'appelle FL Music Design. Et il a essayé de respecter au maximum par rapport à la chanson? Oui, ouais, il a essayé de respecter au mieux. Ouais. T'es assez content du résultat. Suite donc Flo sur Radio Arc-en-Ciel. Et donc c'est un extrait de ton album Arrêté. Tous les matins, tous les soirs, devant la télé, on broie du noir. C'est la misère qui s'accroît, le chômage, l'argent, rien ne va. Rien ne va. Même les banquiers s'affolent, leurs profits s'envolent. C'est comme au Monopoly. On gagne et on perd aussi dans ce flou malsain. Que ferons-nous demain? Qu'un climat nocif. Pourquoi cacher la lumière? Effacer le moindre repère. Apprenons à défier la misère en construisant un avenir clair. Avec vos mettre sur ces terres peut grandir et être fier, tout bâtir un horizon prospère dans le respect des affaires. Donnez-nous les moyens de regarder vers demain avec assurance et en train pour que la dignité notre destin. Arrêtez de nous polluer la tête avec les bobos de la planète. Donnez-nous des infos concrètes qui méritent notre requête. Arrêtez de nous polluer le cœur avec vos envies de grandeur. Mais je ne m'arrêterai pas, hein, Flo. On peut pas s'arrêter. On peut pas s'arrêter de chanter. On peut pas arrêter d'écouter des messages comme ça. Mais oui, oui, oui. Alors, ah, c'est un joli message, ça. Oui, c'est un joli message. Oui. Et ça, ça vient. C'est un truc comme ça. Tu t'es levé le matin. C'était dicté. Alors c'est pas moi qui ai écrit le texte. C'est mon papa qui l'a écrit. Et bon, c'est vrai que il écrit beaucoup de textes. Et bon, voilà, je regarde un petit peu. Et là, sûrement celui-ci, il m'a vraiment marqué. Je me suis dit ça. Je veux le chanter. Je veux le faire en musique, ça. D'accord. Et puis voilà, comment est né le morceau en fait. Complètement en phase avec l'ambiance anxiogène que l'on vit. On est dans l'actualité, oui, malheureusement. Ouais. Justement, c'est le rôle d'un artiste Oui, je pense que c'est le rôle d'un artiste de faire passer des messages sans aller trop loin non plus, mais donner une vision générale des choses, je pense que c'est important. Ouais. Qu'est-ce que vous attendriez, vous, un jeune trentenaire, justement, qu'est-ce qui pollue, justement, nos esprits? Voilà, je pense que le mot important dans le morceau, c'est le négatif, quoi. Ouais. Voilà, on retient que ça. Malheureusement, les médias nous font voir le négatif, alors que nous, les jeunes, je pense que les jeunes ont besoin de positif pour avancer, et c'est ce qu'il nous faut, tout simplement, du positif. Et c'est ce qui devrait ressortir davantage. Et pourtant, absolument. Et pourtant, qu'est-ce que vous ressentez comme rôle, justement, comme implication dans notre société? L'implication, après, j'ai pas la prétention de dire que j'ai une implication particulière. Mais quel rôle vous avez envie de jouer? Quel rôle, voilà, oui. Bon, après, oui, c'est de partager ses idées, en fait, tout simplement. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans aller trop loin non plus, mais essayer de donner une idée générale des choses, quoi, tout simplement. Mmh. Vous avez une activité associative également, j'ai lu sur le handicap notamment. Non, pas sur le handicap. Non. J'ai une association, mais c'est juste pour aider l'artiste tout simplement. Ah d'accord. J'avais fait une télé pour une association. Ce que j'ai vu. Oui. Donc vous avez fait Normandie TV qui était présentée par Vincent Cirutti à l'époque. Oui. Et c'était pour Andy Chien. Voilà, c'est parce que ce que j'avais vu, voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Vous avez tout à fait raison. Patrick. La cause animale, toi. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que je voulais l'évoquer, tu vois, je ne manque jamais. Moi, c'est pour la Normandie Télé, alors. On va faire l'inverse. Moi, c'est pour les chiens. Et voilà. Les animaux, d'une manière générale. Patrick, comment vivez-vous, là, cette rencontre? Je suis en admiration, je ne le cache pas, parce que d'abord, d'une part, j'ai apprécié les musiques et les paroles des chansons. Merci. Parce que c'est sincère, c'est très... Je dirais qu'il y a quand même comme une idée nostalgique un peu sur les personnages, les personnes. Et puis c'est un peu prophétique, hein, ce que vous chantez, Flo, un peu. Je trouve que sur notre situation actuelle, c'est vrai, sur la vie de tous les jours que nous avons, et sur notre avenir futur, hein, puisque n'oublions pas que d'ici quelques jours, nous allons retourner. Nous allons sceller un destin particulier de la France. Nous avons une personne qui s'appelle Jackie au téléphone. Ah oui, Jackie. Je connais bien. Tu connais bien Jackie. C'est mon papa. Ah bah voilà. Il n'y a pas qu'un Jackie. Alors bonjour Jackie, voilà, c'est le papa Flo. Eh bien, voilà, on voulait parler avec Jackie pour voir un petit peu comment se composaient les morceaux. Flo aussi, c'est l'occasion. Ben oui, tout à fait, oui. Alors, Jackie, justement, on a diffusé quelques morceaux de Flo et on voulait venir avec toi savoir un petit peu comment venaient ses influences, comment venait l'idée d'avoir composé, entre autres, le dernier titre. Ben, écoutez, c'est le quotidien, tout. J'observe beaucoup les gens et puis voilà, ben, quelquefois, il y a un déclic comme ça, une chose qui me préoccupe, qui me touche et puis voilà, ben, j'écris comme ça, quoi. Voilà. Je peux pas expliquer, il n'y a pas de méthode particulière. Il faut que j'ai une sensibilité, quelque chose qui me touche, voilà, pour écrire. Et là, les prochains morceaux, quelles seraient les influences ou quelles seraient les idées que tu aurais en tête pour proposer à Flo comme ça une petite exclusivité avec nous en direct? Voilà, peut-être sur le bonheur. Je pense que ça serait un bon thème à développer. Il est où le bonheur? Bah oui, voilà, c'est tellement important dans la vie que ben voilà, et en ce moment il est un petit peu perturbé, donc ben voilà, ça, je pense que c'est un bon titre. On pourrait développer ça et puis pour donner un petit peu de confiance aux gens et puis ben voilà, mettre un peu de soleil dans la vie, quoi. Ben oui. Voilà. Et ça devient depuis longtemps là, la composition, ou c'était depuis ta tendre enfance, tu t'écrivais beaucoup? Non, pas spécialement ma tendre enfance, parce que moi j'ai fait un peu de guitare aussi. Ben, je me suis intéressé un peu à la musique au départ, j'ai fait de l'accordéon, j'ai fait un peu de tout. Autodidacte, et puis un jour, pardon ? Autodidacte, t'as appris tout seul? Oui, autodidacte. Ah bah oui, parce que moi, mes parents n'avaient pas les moyens de payer des cours, donc il fallait apprendre tout seul. Mais voilà, et un jour, je me suis dit, bah, j'étais intéressé, déjà j'avais un bon niveau en français, donc puis un jour j'ai eu envie d'écrire, et puis voilà, bah, c'est parti comme ça, tout simplement. Voilà. Bah, en tout cas, belle plume, hein, on le dit. Hein, on a... Oui, bravo, merci. On a apprécié les paroles. Eh bien, c'était un petit coucou qu'on voulait te faire, hein, Florent. Merci Jackie, hein, du petit temps que tu nous as accordé. Eh ben, je vous en prie. Voilà. Eh bien, bon courage pour la suite des paroles avec Flo, et puis à bientôt. Alors, on espère prochain coup tu viendras nous voir. Ah bah oui. Ah bah ouais. Oui. Bah qu'on ait le papa aussi. Hein. Merci encore. Au revoir. Merci Jackie. Au revoir. Et ben voilà. C'était une petite surprise, c'est sympa. Oui. Hein. Voilà, on voulait te faire un petit clin d'œil sur Arc-en-Ciel. De retour donc avec Émilie. Flo, vous êtes influencé aussi par le cinéma, par les images? Alors oui, je suis influencé, bien sûr. Moi ce que j'aimais beaucoup dans mon enfance, c'est un acteur en particulier, c'est De Funès. Moi j'étais fan de Funès, voilà. Et je le suis encore. J'adore regarder ses films, je les regarde avec plaisir. On parlait de bonheur tout à l'heure. Voilà. Quand on regarde un film, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Ça participe à donner des couleurs à notre vie, de regarder un film. On est bien, et on a beau l'avoir vu 3, 4, 5, 6 fois. On n'arrête pas de le revoir, voilà, ouais. Absolument. Oui. L'image a beaucoup d'importance dans nos vies. Au travers du cinéma, on en parle, d'un livre finalement qui nous donne des images. Dans la musique, l'image est importante. La réalisation maintenant, d'un clip est très importante. Maintenant, l'image fait beaucoup de choses maintenant dans la musique. C'est très, très, très important. Il ne faut surtout pas le négliger. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous, justement... Alors nous, moi j'essaye, dans l'image, comme là, on a fait un clip pour arrêter, voilà, mm-hmm. Les photos, essayer d'avoir des photos qui se renouvellent régulièrement. Oui. Après, bon, voilà, les clips, c'est pas forcément évident, parce que comme là, voilà, j'ai pas encore de maison de disque, j'espère qu'un jour ça viendra. Vraiment, j'ai par contre signé avec un label indépendant, ouais. Donc voilà, on fait ce qu'on peut, c'est pas évident, voilà, on essaye de sortir un petit peu de tout ça, donc voilà, on se bat, on se bagarre, et puis voilà, on essaye d'avancer. Vos clips, on va le rappeler, entre autres le clip de Arrêter, on peut le retrouver sur internet en allant sur... Alors vous allez sur, ou alors sur mon compte YouTube, Artiste Flo, vous tapez Flo officiel, voilà. Flo officiel, et vous allez voir toutes mes vidéos sur mon compte Flo officiel. Très bien. Artiste Flo officiel, et on tombera sur officiel, voilà. Et là, Facebook, le YouTube, titre arrêté, je les cite tous. Hein. Vimeo, voilà. Et on vous retrouve là sur tous ces sites internet. Ça a du bon internet finalement. Oui. Bah, c'est maintenant une communication importante pour les artistes. Maintenant, ça, tout passe par là. Incontournable. Il faut aller faire un tour justement sur internet du côté de ADR90 Productions. Ouais, encore ça. Un mot, Flo, par rapport à ce... Alors, c'est une plateforme qui aide les artistes. Alors, c'est un label indépendant, voilà. Mm-hmm. Donc, il y a pas très longtemps qu'il a démarré. Mm-hmm. Donc voilà, il m'a laissé ma chance, voilà. Et on a signé il y a pas très longtemps. Donc voilà, on essaye de créer notre réseau, d'avancer, voilà, pour pouvoir, on l'espère, peut-être signer plus tard dans une maison de disques, on ne sait pas. Voilà. Mais c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et justement, si voilà, tous les petits coups de pouce, aussi petits soient-ils, que vous voudrez donner à Flo, et il le mérite largement par rapport au titre qu'on vient d'écouter, qu'on va écouter justement à suivre, ça s'appelle ADR90 Productions. Vous tapez ça sur tous les moteurs de recherche et vous allez donner un petit coup de pouce. Flo, l'artiste pop-rock contemporain que vous êtes, ça lui parle, le jazz? Oui, j'aime bien le jazz aussi, bien sûr. Moi, j'écoute un petit peu de tout. Je suis quelqu'un qui prend un peu de tout style de musique. Et non, j'aime bien tout. Tout à fait normal. Quand on est artiste, on puise un peu dans toutes les inspirations que l'on a et elles sont variées. Absolument. Voilà, tout à fait. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. Je vous souhaite un excellent week-end en notre compagnie et nous allons poursuivre cette arc musique avec un titre de Flo. La rumeur. C'est le deuxième titre du single qui est sorti il y a 2 ans. Encore une forme d'écho à l'actualité. Voilà, tout à fait. La rumeur de Flo. Aveugle et malsaine, entraîne dans son sillage l'exclusion et la haine. La critique est facile, pas de réflexion pour tous les imbéciles qui n'ont qu'une opinion à juger sans savoir. Cruelle et incertaine, condamne à tous les outrages et alourdit les peines. Et la rumeur se propage, aveugle et malsaine, entraîne dans son sillage l'exclusion et la haine. Derrière moi, donc la rumeur, Flo, un extrait donc de ce single de titre. Moi je dis et la rumeur, et donc tous les renseignements, on peut retrouver ça sur le petit site de Flo, c'est ça? Oui, artiste Flo, sur le site d'ADR 90 Productions. Voilà, et donc le petit single se retrouve, et puis on rappelle aussi la petite cagnotte que tu essayes d'avoir. Voilà, pour, la petite cagnotte, pour pouvoir préparer pour le futur album. Voilà, c'est ça. Combien de titres sur le futur album? Alors, si on peut faire 11 titres, ça sera bien. Ouais. Ouais, 12, soyons fous. Une douzaine, je vous en mets une douzaine. Ouais. Et donc, pour le coup de pouce, c'est sur direction adr90production.com, on le rappelle. Voilà, exactement. Et donc ça se trouve facilement en tapant... Voilà, vous allez voir sur la page, il y a artiste, vous cliquez sur Flo et après vous aurez le petit lien aide participatif. Voilà. Et en plus, tu feras un petit cadeau, ceux qui participent? Oui, un petit cadeau, ouais. Oui. On leur offrira un concert privé, on fera quelque chose de bien. Ah, bon. Ah, ça c'est... Ah oui. Et puis même, s'il y en a qui souhaitent être figurant pour le prochain clip, ça sera avec grand plaisir. Oui. Si vous voulez découvrir un artiste qui est très prometteur avec ses titres qu'on a écoutés aujourd'hui, qui font écho à l'actualité, qui nous parle à tous, il était dans notre studio ce matin. Merci encore, Flo. C'est moi qui vous remercie beaucoup de votre accueil. Vous allez sur Internet le soutenir sur le site adr90production.com. Sur le Facebook aussi, Artiste Flo. Voilà, et sur le Facebook. Un petit mot, c'est toujours sympa. Exactement, vous le suivez sur le Facebook Artiste Flo, sur YouTube également, où vous pourrez retrouver tous ses clips. Et il nous a réservé une surprise pour cette fin d'émission. Voilà, une petite exclusivité, voilà, un petit extrait du dernier titre qui est en studio actuellement. Voilà. Qui s'appelle ? Restez. Restez. Flo. La vie paraît trop courte pour aimer. Elle nous laisse le temps de rêver. Souvenirs du passé. Et pas partir un jour pour terminer son parcours. Loin des gens qu'on aime sans pouvoir leur dire qu'on les aime. C'était du live dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Il est 13h59. Sébastien, Art Musique, c'est la page va bientôt se tourner. Et oui, ben oui, voilà. Ben encore un grand merci donc à tous nos intervenants. Eh bien, de la belle surprise qu'on a eue de Flo, de ce petit extrait en live. Flo, donc l'actualité, on te retrouve sur Internet. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine, ici même, sur le 96.2.